Ça voulait dire nous deux voulait dire tout, autant de cœurs en feu qu'en existait que nous. Ah, ah, nous, ce mot comme je l'aimais, quand nous ça signifiait, je te suivrais partout. Qui s'ouvrait devant nous, ce bonheur qui fut mien, que j'en étais jaloux. Ah, ah, nous, ces mots on les disait, ces mots on y croyait, car on croyait à nous. Mais le temps on essaie d'être encore amoureux. Sur nos amours, le brouillard se lève. Nous, ça ne veut plus rien dire quand l'amour se dissout, est si près de mourir qu'on n'en a plus le goût. Forme plus nous, ça voulait dire nous deux, pour moi tu étais tout, mais c'était un feu qui nous a rendu.